Mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Sak fè mwen pa wè ou. Mami ou te malade. Malmande bougou, yo di mou ke la fi e ba. Mami ou te malade. Ay, mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Mami ou te malade. A la traka pou jen ta son kalma kya kon fòm la la fi te men kota mel mel. La planta, la planta. Mami ou te malade. Ay, mwen konfè sak fè mwen pa wè ou. Thank you. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba si te connais, si te connais, si te connais. Si te connais, si te connais, si te connais, ta manière, ta doloté. Mon copain, ça fait moins pas well. Mon copain, ça fait battre well. Maman des bouilles. Yo dis-moi que la fièvre, la fièvre. Comment? Et puis yo dis-moi comment madame mon dijon est convalescente. Vous comprenez moi ça? Vous comprenez? Alors, vous comprenez même si vous avez madame mon dijon quand vous t'a dit, c'est machine la montée perpétuelle. Vous comprenez où est mon dijon puis patiner? Vous comprenez pas ça? Vous pas que l'autre bagarre pour Bali? Vous pas que l'autre bagarre pour Bali? Tip bomb. Bali bomb. Alors, les films balquettes, bon, non. Alors, reste bon, non, qu'on doit péter. Dans chaise portative, faut qu'on doit péter chita là-dedans. Avec ça, comprenez. Wap jouer nos tiges sec, sec, coupé. Et puis, on l'autre, notre encore, wap jouer des calientes, si bémol. Vous comprenez. Alors, même si par exemple, on a toujours des camarades qui nous avaient fait un petit coup de volant. Qui t'avait fait un petit coup de volant, comprenez. Les films conduits machine, non, comprenez. Au bon, on est dans conduit. Là, bas la droite, la gauche. Là, bas la gauche, la droite. Vous comprenez? Au bon, alors qu'on est. Faut remettre comme là. Parce qu'il y a une louange pour le faire pour vous. Il y a pour le dire, oh, mes amis, oh. À la bonne machine est elle là-bas. Vous comprenez? Mais, on va arriver pas quitter le feu prudence. Pas laisser le feu prudence. Sous-gué malais. Quitter le bottine des papas. Regardez nos machines à dégigoler avec vous. Regardez nos c'est patinaille. Vous comprenez? Tout roule à chimie. Ah. Mon copain, ça fait moins pas well. Mon copain, ça fait battre well. Mon copain, ça fait moins pas well.